L'actualité à Nancy et ailleurs. Daniel Auteuil, bonjour. Bonjour. Alors, on ne vous présente plus, hein, célèbre acteur et réalisateur, immense carrière au cinéma, nommé 14 fois au César, 2 Césars du meilleur acteur, immense carrière au théâtre également, comme comédien et metteur en scène. Alors, jusque-là, vous parliez sur les planches d'un théâtre, mais voilà que maintenant, vous avez envie d'y chanter avec ce spectacle « Déjeuner en l'air », spectacle que vous donnerez dimanche 22 mai à Tomblaine, à l'espace Jean Jaurès, dans le cadre du festival aux actes citoyens. Daniel Auteuil, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment est né ce projet ? Alors, tout commence déjà dans les années... quand je nais au début du 20e siècle, mes parents étaient chanteurs d'opéra. Donc j'ai été baigné, si vous voulez, toute ma vie, toute mon enfance, pour l'adolescence de musique. Quand je suis arrivé à Paris pour faire l'acteur, il se trouvait que j'étais engagé dans des comédies musicales. Donc, si vous voulez, la musique est quelque chose qui a toujours fait partie de moi. Et ce spectacle est né de la rencontre d'un auteur que je ne connaissais pas ou peu, qui s'appelle Paul-Jean Toulet, que ma mère... avait découvert pour moi et elle avait mis dans un livre une dédicace en me disant qu'un jour je lirais ce livre et qu'il m'était destiné. Et c'est en tombant sur ce livre tout à fait par hasard que j'ai ressenti le besoin, à cause de l'émotion que me procurait et à la fois cette dédicace de ma mère et à la fois ses poèmes, le désir de les mettre en musique au lieu de les dire. Pourquoi ? Parce que au fond, c'est très difficile à dire, la poésie. Et moi, en tant qu'auditeur, il y a 2-3 personnes seulement qui ont su me toucher avec la poésie. C'était ceux qui arrivaient, qui avaient une forme de lyrisme dans la voix et qui chantaient presque en parlant. Par exemple, Gérard Philippe ou Reggiani, et d'une certaine façon aussi Trintignant, Jean-Louis Trintignant. Et donc, j'ai essayé de dire ces poèmes, j'y arrivais pas. Et par la musique, par hasard, j'ai comme ça, avec des premiers accords, il y a une émotion nouvelle qui est venue se créer. Et c'est né comme ça. J'ai fait une chanson, 2, puis 3. Et puis, sur les tournages, je me suis retrouvé comme ça, dans ma caravane, avec une vingtaine de chansons. Et j'ai eu envie d'en faire un spectacle. Et j'ai commencé à répéter ce spectacle. Et puis, le Covid est arrivé. On n'a pas pu le faire. Et puis... une deuxième série. Et là, j'ai eu envie d'en faire un disque. Et c'est cette rencontre avec Gaëtan Roussel qui m'a permis d'arriver au spectacle qu'il y a aujourd'hui. Il a fait les arrangements de la musique et on a fait un album. Mais voilà, la mise en musique de base, elle vient de vous. C'est vous qui avez créé. Toutes les mélodies sont de moi, à part Rouge Indigo, qui est une mélodie de Gaëtan. Mais toutes les autres musiques sont de moi, oui. Donc Gaëtan Roussel, qu'on ne présente plus non plus, hein, figure du groupe Louise Attaque et figure de la musique française, c'est cette rencontre avec Gaëtan Roussel qui a un peu tout basculé en côté plus professionnel et se dire je vais en faire un album. Oui, c'est ça. Et puis le but de tout ça, c'était de continuer à être sur scène, et effectivement plus en théâtre, mais avec la, comment dirais-je, avec le côté si gai de la musique, quoi. D'être porté par la musique et par des musiciens, c'est quelque chose qui me effectivement de nouveau et qui m'a redonné envie d'être sur une scène et d'aller partager ces moments avec les gens. C'est un moment absolument privilégié parce que c'est un spectacle d'une grande intimité, et la nouveauté par rapport au théâtre, l'abolition de ce quatrième mur acteur. Nous sommes obligés de se tenir derrière ce quatrième mur pour ne pas casser l'illusion au spectateur. Alors que dans la musique et dans la chanson, c'est beaucoup plus direct. Et donc ça, c'est nouveau aussi, cette émotion qui passe si vite entre nous, quoi. Ça me plaît beaucoup. Là, vous êtes vraiment Daniel Auteuil sur scène et pas un personnage que vous jouez dans une pièce. Voilà, c'est ça. C'est à la fois, si vous voulez, la musique, mes textes, et de plus en plus mes textes. Là, je suis en train d'écrire un autre album et le prochain spectacle sera, bien entendu, consacré à mes chansons, quoi. Donc, c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup. Et ma foi, j'ai l'impression que ça déplaît pas non plus, donc tout va bien. Alors, il y a du chant, vous clamez aussi un petit peu par moment et vous parlez. Il y a un peu d'interaction avec le public. Oui, c'est-à-dire que à la fois je raconte ma vie, à la fois je dis des textes des autres. des textes que j'ai écrits, mais il y a 80% de musique, si vous voulez, voilà. Et de poésie aussi, parce que on découvre, on redécouvre des poètes, voilà. Et Déjeuner en l'air, pourquoi Déjeuner en l'air? Parce que je donne rendez-vous à tous ces poètes. Je leur donne rendez-vous entre le, ils sont plus là, donc je leur donne rendez-vous entre le ciel et la terre et pour un déjeuner en l'air. C'est une espèce de truc comme ça qui me permet de balader mes histoires. Donc des textes personnels, intimes, des textes également de Paul Gentoulet, Rimbaud, Apollinaire, pour vraiment avoir cette ambiance poétique. Oui, mais avec une musique, on a donc parlé de Gaëtan Roussel, d'arrangements qui sont tout à fait contemporains et d'une certaine façon pop, même parfois rock, et entourés de deux musiciens très pointus de la scène française, le guitariste Armand Méliès et le pianiste Colin Russeil, qui est aussi aux percussions. Donc, si vous voulez, il y a presque l'homogénéité d'un groupe. C'est ça qui me plaît, quoi. C'est pas des musiciens qui viennent accompagner un chanteur, c'est tous les trois, nous sommes partie prenante de ce spectacle. Complémentarité. Voilà, absolument. Alors, vous le disiez, hein, ça a mis un petit peu de temps à se mettre en place à cause de la pandémie notamment. Donc, j'imagine que vous avez eu le temps de l'imaginer, de le rêver, de le fantasmer un peu ce spectacle. Et maintenant que vous êtes sur scène, vous êtes en tournée en France, est-ce que c'est aussi bien que dans votre imagination? Est-ce que c'est ce à quoi vous vous attendiez sur scène? Non, c'est plus fort, c'est plus fort. C'est plus fort parce que, au fond, c'est quelque chose que je portais en moi depuis toujours. C'est un de mes premiers désirs, si vous voulez, la musique et la chanson. J'ai eu la chance de faire cette carrière magnifique et de continuer le cinéma et de tourner avec tous ces grands metteurs en scène et même en théâtre de connaître tous ces grands auteurs. Mais de pouvoir raconter ses propres histoires et d'être de pouvoir partager ça, c'est quelque chose de très très fort. Je pensais pas qu'un jour je pourrais écrire de la musique, par exemple, voyez, mais je portais ça en moi parce que je suis né là-dedans, quoi, voilà. Et c'est mon caractère d'avoir voulu l'exprimer et le faire parce que je n'aimerais pas avoir des regrets, quoi, voilà. Alors, je le disais en introduction, hein, grande carrière, comédien très populaire, tout le monde vous connaît. Vous êtes régulièrement chez les gens, dans leur télé, mais là, vous êtes en tournée en France, vous les rencontrez, on le disait tout à l'heure, il y a un peu d'interaction. Qu'est-ce que ça représente pour vous aussi d'être en tournée dans toute la France? Alors, c'est quelque chose que je n'ai pas souvent pratiqué. Je jouais à Paris, je faisais des films, j'ai fait très peu de tournées. Ça représente d'abord, dans un premier temps, si vous voulez, les gens, ils savent pas ce qu'ils viennent voir. Ils m'aiment bien, alors ils viennent en confiance. Donc, ils viennent pour se laisser surprendre, si vous voulez. C'est à moi à ne pas les décevoir. C'est déjà d'entrée, c'est une espèce d'acte d'amour, vous voyez, de leur part. Ils viennent me voir, parce que voilà, comme vous dites, depuis longtemps, ils me connaissent, ils viennent. Ensuite, ils découvrent des textes, ils découvrent des musiques, ils découvrent une autre personnalité artistique, ce que je présente. Mais je sens qu'il y a déjà une... On se connaît. Alors il y a des jeunes un peu qui viennent et qui découvrent. Et après le spectacle, effectivement, je discute avec eux, je passe un moment avec eux et je sens qu'ils sont contents et pas déçus, quoi. Voilà, donc c'est bien. Et encore une fois, c'est un moment privilégié. Les gens, ils sont un peu intimidés au début. Il faut vite que je les mette à l'aise parce que la poésie est un truc. Ça a été longtemps une espèce de gros mot, la poésie. Un truc était réservé, mais aujourd'hui, on revient grâce à ces types qui font du rap et tout ça, ou les slameurs. Il y a quelque chose de nouveau, quoi, sur le. On est plus à l'écoute du texte. Vous voyez, il y a des choses nouvelles là-dessus. Il y a des mecs qui ont du talent là-dessus. Alors justement, hein, effectivement, la poésie peut paraître un peu inaccessible pour certaines personnes ou se dire « c'est pas fait pour moi, je ne connais pas ». Qu'est-ce que vous diriez à tous ces gens qui sont à Nancy et dans le coin de Nancy pour peut-être leur donner envie de venir vous voir dimanche 22 mai à Tomblaine? Je ne sais pas, mais un jour, mon fils me posait la question, mon jeune fils me posait la question, c'est à quoi ça sert la poésie? C'était un moment où il était un peu contre, comme ça, le truc, chercher à quoi ça sert, la poésie, ça sert à rien. Alors effectivement, ça sert à rien, mais on peut pas vivre sans, quoi. Et on peut pas vivre à quoi ça sert l'émotion, ça sert à rien, mais on peut pas vivre sans. Donc, à quoi ça sert de vivre et d'échanger des moments intimes avec les gens? Ça sert à rien, mais on peut pas vivre sans. Voilà, c'est des moments c'est des moments suspendus dans les, et dont on a besoin parfois, voilà, qu'on a besoin, qui font du bien. Des petites parenthèses qu'il faut savoir en profiter. Merci beaucoup, Daniel Auteuil. Oui, je vous en prie. Je le rappelle, hein, Déjeuner en l'air, votre spectacle musical et poétique que vous donnerez dimanche 22 mai à Tomblaine à l'espace Jean Jaurès dans le cadre du festival Aux Actes Citoyens. Un grand merci d'avoir pris un petit peu de temps pour Fadjet. Je vous attends tous avec plaisir. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fadjet. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.